La petite truite. Un jour, alors que le ciel était de couleur garance, avec des nuages noirs, le torrent m'a susurré une historiette d'eau. Ce matin-là, dans un torrent, une truite arc-en-ciel saute de rocher en rocher. Dans le torrent aux flots argentés, elle est joyeuse, vive et insouciante. De temps en temps, elle file vers la surface de l'eau et yappe avec grâce et aisance de ses éphémères si délicats et si étourdis qu'ils ne voient pas où ils posent leurs pattes. Une libellule s'approche d'elle et lui dit « Petite truite, tu as l'air contente, dis-moi. Sais-tu où te mène ce torrent le long de ses eaux ?»« Non, moi je nage dans ses flots clairs et je vais vers d'autres rives, » répond la truite. La libellule reprend. « Mais sais-tu ce qu'il y a là-bas, au bout de ce torrent ?» La truite répond. « Non, mais je sais que le courant m'emporte et je suis très à l'aise dans ses eaux pures. » « Et si nous faisions une course ?» propose la libellule. « Oh oui !» répond la truite. « Mais je suis trop vive pour que tu puisses me rattraper. » La petite truite se lance alors dans une course effrénée. Capricieuse mais intelligente, elle se glisse dans les eaux, saute, provoque des ondes colorées. Elle se glisse dans les courants fougueux du petit torrent. La petite libellule vole et suit avec de grosses difficultés l'ombre de la truite dans les flots. Elle profite des courants lents du torrent pour rattraper la petite truite. Au sein de l'onde, ainsi qu'un trait, la truite brave les flots changeants, légère et gracieuse. Elle va lentement le long des bords fleuris, ou alors avance tout en éclaboussures, en virevolte, en bonds et plongeons vifs. La libellule vole et déferle de la montagne en suivant de près la truite dans le torrent. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, quand soudain, tout en bas du torrent, un gros rocher se dresse. Après une dernière pirouette torsadée, la truite s'étale, les ouïes battant la chamade sur le sable au bord du torrent. La libellule évite de justesse le rocher et revient vers son amie la truite qui agite faiblement les nageoires et respire difficilement hors de l'eau. « Petite truite, réveille-toi, tu es en train de mourir, redresse-toi !» Petite libellule remonte vers le ciel, cherchant de l'aide. L'orage gronde et éclate si fort qu'il fait jaillir des milliers d'étincelles sur le torrent. Le torrent s'anime, déborde, une vague déferle sur le sable et entraîne la petite truite au fond des eaux. La libellule reste à la surface du torrent et bientôt la truite remonte sans cabriole, sans exubérance et sans chahut et dit « Tu m'as aidée, petite libellule. J'étais trop fière et trop sûre de moi. » Et depuis, dans les creux du torrent, là où les eaux sont profondes, la petite truite arc-en-ciel vit calme, se blottissant sur le matelas de gravier fin et dans les fonds de mousse. Toujours, non loin d'elle, une petite libellule veille et l'avertit de tous les dangers. Marie-Odile Ackermann.